Chapitre 11e, la Duchesse de Valombreuse. Deux jours après les événements que nous avons racontés, l'avocat Maxou était de retour à Château-Chinon. Il se rendit aussitôt chez le juge d'instruction. « Eh bien, lui dit M. Duranger, la lumière est-elle faite enfin? Le duc de Valombreuse a-t-il joué, comme vous l'avez supposé, un rôle dans cette ténébreuse affaire? Le duc est cloué depuis 24 heures dans les quatre planches d'un cercueil, répondit froidement Maxou. Le juge d'instruction demeura un moment immobile de stupéfaction. Son ancien camarade de l'école de droit lui apprit alors tous les détails du suicide. M. Duranger, qui l'avait écouté dans un profond silence, résuma sa pensée en ces termes. Le doute n'est plus permis. Le duc était le complice de Flavien Morin. Dans quel but, je l'ignore. Mais nous parviendrons peut-être à le découvrir. D'abord, mon cher ami, rien jusqu'à présent ne démontre la culpabilité de ma cliente, répondit Maxou. Quant à la participation que vous attribuez à M. de Valombreuse dans ce crime, sur quelle présomption pourriez-vous l'établir? Mais son suicide? Mais ce papier qui renfermait le poison et qui venait du riage? Et qui vous a dit que ce fragment de papier trouvé dans l'album du Nivernais contenait dans le principe de l'arsenic et qu'il a été envoyé à Flavia? Ne pouvait-il pas faire partie d'une lettre adressée à une autre personne? Et à quelle autre personne? Demanda le juge d'instruction en regardant fixement le jeune avocat. Que sais-je? Répondit celui-ci, mais ne peut-on pas supposer que le duc ait écrit à la duchesse, par exemple? Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir, reprit M. Duranger. Quoi qu'il en soit, j'interrogerai le facteur qui fait le service de Faubourlois, et je saurai s'il a apporté au château des lettres timbrées d'Uriage. Mais le duc, avant de mourir, n'a-t-il point parlé ou écrit? Un homme qui se tue a presque toujours quelque chose à dire. Il n'a point parlé et il n'a laissé aucun écrit, répondit Maxou. « C'est bien étrange, » répliqua le juge. « Toutefois, je verrai de nouveau l'accusé. Peut-être que la mort de M. de Valombreuse la décidera à entrer dans la voie des aveux. »« Surtout n'oublie pas d'interroger le facteur, » dit Maître Maxou en se retirant. « Ce sera fait, aujourd'hui même, » répondit M. Duranger. Le château de Faubourlois, si animé, si joyeux autrefois, était devenu silencieux et morne depuis l'arrestation de Flavia Morin. La duchesse, qui jusque-là avait constamment pris part aux travaux et aux jeux de ses deux filles, semblait en proie à de douloureuses préoccupations. Ève et Marcel, livrées à elles-mêmes, passaient une partie de leur journée dans l'isolement et la solitude. Leurs pensées se reportaient sans cesse sur leur institutrice aujourd'hui enfermée dans les murs d'une prison, et leurs yeux se remplissaient de larmes, et leur cœur se refusait à la croire coupable. Les vieux serviteurs, eux aussi, ressentaient le contre-coup du malheur qui était venu fondre sur le château. Ils s'étonnaient tout bas de l'absence prolongée de leur maître. Ils se demandaient ce qui pouvait le retenir loin du foyer domestique dans d'aussi graves circonstances. Les choses en étaient là, lorsque le vicomte de Kerlusset se présenta inopinément au château de Faubourlois. La duchesse était fort souffrante, et l'ordre avait été donné de répondre aux visiteurs qu'elle ne pouvait recevoir. Amaury écrivit au crayon sur sa carte. Il s'agit de M. de Valombreuse. Puis il fit passer sa carte à la duchesse. Ces quelques mots produisirent l'effet d'un talisman. Le domestique reparut bientôt et il conduisit M. de Kerlusset dans un petit salon. La duchesse était assise près de la fenêtre. Son bras droit, appuyé sur une table à ouvrage, soutenait son front accablé. Pâle, les joues amaigries, le regard presque éteint, elle semblait sortir d'une longue maladie. « C'est mon mari qui vous envoie auprès de moi, » dit-elle au vicomte. Celui-ci baissa la tête sans répondre. Madame de Valombreuse allait réitérer sa question lorsque l'expression douloureuse du visage de M. de Kerlusset la frappa tout à coup. Elle y lut comme le présage d'un malheur. « Mais parlez donc, Amaury, votre silence m'épouvante. »« Madame, » balbutia-t-il. La violence de son émotion arrêta la parole sur ses lèvres. « Qu'est-il donc arrivé? Que me cachez-vous ? » reprit la duchesse au comble de l'anxiété. « Le duc sera-t-il malade ?» Cette fois encore, Amaury ne répondit pas. « Sera-t-il mort ? » poursuivit-elle avec un tremblement convulsif dans la voix. Le vicomte se tut de nouveau. « Mort ? C'est donc vrai, il est mort » murmura-t-elle. Il s'affaissa sur son fauteuil. Deux minutes s'écoulèrent pendant lesquelles le silence ne fut interrompu que par les sanglots de la duchesse. Amaury, debout à quelques pas d'elle, attendait, le cœur serré, que la première explosion de cette grande douleur fût passée. Tout à coup, Madame de Valombreuse se dressa devant lui, comme mue par un ressort invisible. Ses yeux n'avaient plus de larmes. sa voix était claire et vibrante. « Et comment est-il mort ?» lui demanda-t-elle. « Un accident de chasse, » répondit Monsieur de Carlucet. « Où est-il ? Je l'ai ramené du riage, et je n'attends que vos ordres pour le faire transporter ici. « Vous avez été au-devant de ma pensée, » dit-elle. « Merci. » Il serra la main d'Amaury. « Madame la Duchesse, » reprit-il, « le duc, avant de mourir, m'a chargé d'une mission pour vous. »« Une mission ? » ?»« Ou plutôt, il m'a commandé de vous adresser une prière. » « Cette prière, quelle qu'elle soit, sera un ordre pour moi. » Monsieur le duc de Vallombreuse, pendant les dernières heures de sa vie, était très préoccupé de l'événement qui a jeté la désolation dans votre maison. Et il a exprimé le désir que vous fassiez tout ce qu'il sera en votre pouvoir de faire pour sauver la jeune fille qui est accusée. La duchesse tressaillit et répondit à Maury qu'elle se conformerait, dans la mesure du possible, aux volontés suprêmes du duc. Puis elle ajouta « Allez accomplir jusqu'à la fin votre triste tâche, mon ami. Moi, je vais, pendant que vous amènerez le corps ici de mon cher mari, préparer mes pauvres filles au malheur sans nom qui nous frappe. « Ah, madame, Dieu vous éprouve doublement en un seul jour !» murmura M. de Carlucet d'une voix profondément émue. Puis il sortit.